Bonjour à toutes et à tous, je suis Marianne Cléden ou Macalice et aujourd'hui je prends le micro pour apporter ma contribution au Frankencast numéro 8 qui pose les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un jeu alternatif selon vous et qu'est-ce que vous y cherchez quand vous y jouez? Pour commencer, je vais tenter de définir les jeux alternatifs de mon point de vue. Quelle est donc ma définition des jeux alternatifs? Je définirais les jeux alternatifs en creux des jeux traditionnels. En effet, le principe de l'alternatif est de se positionner par rapport à une proposition existante. C'est vrai pour l'économie et le climat, et de mon point de vue, c'est vrai aussi pour le jeu de rôle. J'ai pratiqué le jeu de rôle traditionnel et le jeu de rôle alternatif, et de mon point de vue, les deux proposent une expérience de jeu différente, même si au final, ils réunissent tous deux des joueurs autour du plaisir de se raconter une histoire. Les jeux alternatifs auxquels je fais référence ici sont ceux auxquels j'ai joué, et je ne les citerai pas à chaque fois. Warhammer, Magna Veritas de INSMV, Pathfinder, Cthulhu Confidential, Aventure en Terre du Milieu, Vampire la Mascarade, Donjons et Dragons. Je précise d'emblée que quand je parle du jeu de rôle traditionnel, je parle de ses propositions lisibles dans les manuels, ainsi que de mes pratiques. Certains diront « Ah, mais moi je joue pas comme ça » ou « Ma meneuse ou mon meneur ne fait pas comme ça ». Or, je ne suis pas à leur table pour le constater, donc je ne peux pas en témoigner. De plus, pour l'avoir vu dans mon entourage, je sais que beaucoup reviennent au jeu de rôle traditionnel en l'enrichissant de leur pratique du jeu de rôle alternatif. Cela détourne évidemment les jeux traditionnels de leur proposition d'origine et en donne une lecture, plus alternative. Autre précision, je préfère les jeux alternatifs, ce qui, naturellement, se verra dans mon exposé. Bref, d'après moi, voilà les raisons qui font que le jeu de rôle alternatif propose un nouveau modèle par rapport au jeu traditionnel. Tout d'abord, par rapport aux aventures très linéaires souvent mises en scène par les jeux traditionnels, les jeux alternatifs proposent des cadres plus ouverts dans lesquels les personnages évoluent librement sans avoir à valider des étapes comme la recherche d'indices ou l'interrogation des bons témoins, comme dans un point and click. Ensuite, dans les jeux traditionnels, les mécaniques sanctionnent une réussite ou un échec, alors que dans les jeux alternatifs, elles permettent souvent de faire rebondir, avancer l'action. Si on rate un jet ou si on décide de ne pas dépenser un jeton, le jeu n'est pas paralysé. Au contraire, l'échec amène de l'intrigue. De plus, les jeux traditionnels donnent une responsabilité très importante à la meneuse ou au meneur. Et elle doit connaître l'univers et les règles sur le bout des doigts, préparer les scénarios et les mettre en scène, et même, d'un point de vue pratique, organiser les séances. Le jeu alternatif repose sur un partage de la narration. Même si dans certains jeux, comme les PBTA, une meneuse ou un meneur subsiste, l'histoire se co-construit avec les joueurs et la préparation est moins importante. L'intrigue émerge au fur et à mesure du jeu. Certains jeux alternatifs vont plus loin en proposant le partage de l'autorité narrative. Les joueuses et joueurs construisent alors l'intrigue ensemble. Les jeux traditionnels laissent aux personnages peu d'expression autre que celle qui est indispensable à l'action et à la résolution du scénario. Dans beaucoup de jeux alternatifs, les personnages ont plus de liberté. L'intrigue est plus centrée sur eux et moins sur leur aventure. Dès lors, il est possible de créer des liens entre eux et de laisser s'exprimer leurs sentiments, ce que j'appelle le drama, et j'en reparlerai sans doute un peu plus tard. Enfin, ce n'est pas le cas de tous les jeux alternatifs, mais beaucoup intègrent une dimension de sécurité émotionnelle pour les joueuses et joueurs. Les lignes et les voiles et la X-card sont des outils qui permettent d'établir un contrat social émotionnel. Certains thèmes choisis par les joueuses et joueurs ne seront pas abordés pendant la partie, d'autres ne seront qu'évoqués et chacun a le droit d'annuler une scène qui le met mal à l'aise. Ce sont des outils de base, il y en a bien d'autres qui permettent aussi d'assurer une sécurité émotionnelle à la table. Pour résumer, pour moi, les jeux alternatifs apportent plus de liberté et de diversité dans le jeu de rôle. Ils ouvrent des possibilités infinies au gré de l'imagination de toutes les joueuses et joueurs. Je vais maintenant répondre à la deuxième question de ce Frankencast. Qu'est-ce que je cherche dans les jeux alternatifs? J'ai déjà en partie répondu dans la première partie, mais je vais approfondir. Quand j'ai découvert le jeu de rôle alternatif, j'étais engluée dans une campagne de Warhammer en tant que meneuse. Les scénarios préécrits issus du commerce s'enchaînaient les uns après les autres, concourant pour le titre du plus ennuyeux. Mes joueurs s'en satisfaisaient très bien, mais moi je cherchais sans cesse à sortir du cadre. C'est alors que j'ai joué à mes premiers jeux alternatifs. J'ai d'abord découvert De mauvais rêves de Julien Poire, où l'on fait partie d'un village du Grand Nord. On y tente de sauver sa communauté d'un étrange mal. La narration était partagée entre les joueuses et joueurs, aucun n'avait l'ascendant sur les autres. Pour moi, c'était du jamais vu. Ensuite, on m'a proposé une campagne d'Apocalypse War de Vincent Baker, qui est à ce jour la meilleure campagne à laquelle j'ai participé. On a construit le monde ensemble, du cadre au PNJ. Toutes les décisions et actions de nos personnages étaient prises en compte dans la campagne et influaient sur les menaces prévues par le meneur. Ainsi, alors que ce jeu convoque souvent des univers sombres et des drames, on s'est orienté vers une fin très positive. Fun fact, en parallèle, oppressé par la poursuite de ma campagne de Warhammer, j'ai décidé d'y mettre un terme d'un commun accord avec mes joueurs. J'ai proposé de mener une campagne d'Apocalypse World et ils n'ont pas du tout accroché, comme quoi, à chacun ses goûts en matière de jeu. Ce que j'aime et recherche dans les jeux alternatifs, c'est avant tout de jouer et développer des personnages aux personnalités très différentes et de tisser des relations avec les autres. Ces relations et la liberté d'expression des personnages font surgir dans l'intrigue des développements inattendus et pourtant totalement en phase avec ce qu'on joue. Un des meilleurs exemples est ma découverte du jeu For the Queen d'Alex Roberts et de ses dérivés, qui invitent à construire des personnages, leurs histoires et leurs relations avec les autres à travers une série de questions. Ces personnages ne vivent pas d'aventure, le jeu s'arrête en général au moment où l'action devrait commencer. Pourtant, au fil du jeu, une histoire commune se met en place avec des révélations surprenantes. Pour moi qui adore le jeu centré autour des personnages, c'est un genre de jeu alternatif extrêmement satisfaisant. Si je veux jouer un personnage qui réussit ce qu'il entreprend, je peux bien sûr. Mais comme la réussite, quelle qu'elle soit, n'est pas une condition pour finir une partie de jeu alternatif, je peux aussi décider de jouer en Play Toulouse et décider que mon personnage vit un drame dont il ne sortira pas indemne. Je peux aussi choisir de privilégier le drama, c'est-à-dire l'expression des sentiments et émotions de mon personnage en interaction avec les autres personnages. Très récemment, j'ai joué à un jeu en développement, Three Sunny Days de Melville, où on incarne des ados en camping pour un week-end. Leurs interactions sont vraiment au centre du jeu et conditionnent totalement le déroulement de la partie. De plus en plus d'univers invitent à jouer des personnages LGBTQIA+, à la suite de Monster Hearts de Avery Alder, où on incarne des monstres adolescents tels que loups-garous, vampires, sorcières. J'aime explorer ces thématiques qui ouvrent notre esprit et invitent à la déconstruction. Ça change des systèmes fondamentalement racistes induits par le système de race de certains jeux traditionnels, où certaines races doivent en dominer d'autres, par le combat notamment, encore une composante importante du jeu traditionnel qui ne me plaît pas. Puisqu'on parle des différents thèmes abordés par les jeux de rôle, j'apprécie beaucoup la diversité des univers qu'on trouve dans le foisonnement des jeux alternatifs. Rien que dans les PBTA, il y en a pour tous les goûts. Post-apo, drama adolescent, super-héros et héroïnes, cyberpunk, space opéra, univers de telenovela, et bien sûr l'incontournable médiéval fantastique, mais personnellement je me suis lassée de ce genre. La liste que je cite, évidemment, est non exhaustive, et il faut savoir que dans certains jeux alternatifs, les joueuses et joueurs construisent eux-mêmes leur propre univers lors d'une phase de world building au début de la partie, ce qui permet de construire des univers totalement inédits et encore différents de la proposition de base qu'on peut trouver dans des tas de jeux de rôle. Enfin, je suis curieuse de nouvelles mécaniques. Les jeux alternatifs en proposent de très diversifiés. On a parfois des personnages sans statistiques, on utilise des cartes pour résoudre les conflits, des jetons pour gérer ses succès et échecs, des plans qu'on remplit ensemble, des images pour l'inspiration, et parfois, bah, la seule parole suffit. Je pourrais vous citer un jeu pour chacune de ces possibilités, mais je ne voudrais pas vous abrutir d'exemples. Pour conclure, et pour moi, les jeux alternatifs proposent des expériences très variées qui souvent nous sortent de notre zone de confort pour vivre des expériences de jeu inédites. La plupart de ces jeux permettent de créer des personnages vivants qui évoluent dans des groupes qui développent de vraies relations pleines de sens et dont les décisions et les actions déterminent le cours de la partie. Pour moi, les jeux alternatifs sont des sources d'émerveillement et de questionnement perpétuel, et c'est pourquoi je les privilégie maintenant dans ma pratique. Merci d'avoir écouté et pratiquez le jeu alternatif, évidemment.